pour faire pendant à Charles Péguy, victime consentante de la grande boucherie de 14-18, voici un aperçu de la poésie de Max Jacob, victime innocente comme tant d'autres de la barbarie nazie. Israélite, né à Quimper en 1876, Max Jacob fut une des gloires de la bohème parisienne de Montparnasse. Après avoir vu le Christ illuminer sa chambre une première fois en 1909 et une deuxième fois en 1914, Max Jacob se convertit au catholicisme. Brillant humoriste et jongleur de mots, il publia en 1912 le recueil intitulé « Les œuvres burlesques du frère Martorell mort au couvent », dont voici deux extraits.